acheter un duvet en plume d'oie. Pourtant, t'avais acheté un oreiller à coin carré. Mais quel est ton problème à toi? Quel est ton problème à toi? Quel est ton problème à toi?